Chapitre 2. Après de longues difficultés, après de nombreux et rudes assauts, M. Camberwell parvint à ranger ses affaires. Mais de son opulence passée, il ne lui resta qu'un fort médiocre revenu. Il se vit contraint de placer ses filles sous la garde d'une vieille sœur qu'il avait dans le Northamptonshire, où elle tenait une pension. Quant à George, accoutumé de bonne heure au plaisir que le séjour de Londres procure aux désœuvrés jeunes et riches, il ne se sentait pas le courage de prendre un parti, et il employait tout son temps à se lamenter, à accuser la fortune qu'il avait forcée de suivre son père au fond d'une antique et laide maison de la cité. Dévoré d'ennui, ne pouvant se résoudre à remplir par des travaux utiles ces heures qui n'étaient plus partagées entre les courses de chevaux, les paris, les combats de coqs, les spectacles et les bals, il ne savait par où commencer à s'instruire. Et en outre, il avait horreur de l'obéissance passive et de la régularité qu'exigent toutes les professions. Il s'emportait contre son frère, qui n'avait pas cessé d'étudier la musique, et le traitait d'enfant sans cœur, qui ne songeait qu'à se recréer et troublait tout le monde par le son aigre d'un instrument criard. M. Camberwell lui-même, trop porté encore à penser comme son fils aîné, défendit un jour à William de se livrer davantage à cette étude et lui annonça qu'il comptait le placer avant peu dans une maison de commerce. L'enfant avait toujours eu pour avocat auprès de son père un domestique de confiance nommé Marshall, homme de 50 ans environ, brusque, plein de franchise, un de ces vieux serviteurs d'autrefois qui restaient dans les familles comme des meubles dont on héritait sans jamais songer à s'en défaire. Un matin, Marshall, en entrant dans la chambre de son cher petit, comme il l'appelait, fut tout étonné de le trouver assis sur son lit, triste et regardant avec chagrin son violon placé près de lui. « Qu'est-ce donc ? » demanda-t-il. « Oh, mon bon Marshall, on m'a défendu expressément d'étudier mes pauvres airs que j'aime tant. Comment vais-je faire à présent ?»« Eh bien, vous mettrez votre violon dans sa boîte, et vous n'y penserez plus. Croyez-vous que cela soit facile ? La musique, c'est comme un beau cadeau de Noël. Dès qu'on y a goûté, l'on y revient sans cesse. « Bon, chanson que tout cela !» dit le bonhomme en affectant l'incrédulité. « Marshall, vous ne savez pas le plus terrible ?» Le serviteur, se rapprochant avec un mouvement d'effroi, demanda « Qu'est-ce donc ?»« Aujourd'hui même, mon père doit me conduire chez un marchand de Duke's Place. Mon entrée dans cette maison m'empêchera de mettre à exécution un projet que j'avais conçu. »« Un projet ?»« Oui, pour lequel votre assistance me sera indispensable et qui doit, si Dieu me favorise, rendre le bonheur à mon père, à mes sœurs, à tout le monde. »« Petit maître, prenez garde de faire des rêves. » Et n'imitez point surtout votre paresseux de frère. L'imiter, oh, son exemple me guérirait si j'étais porté à me conduire comme lui. Mais on m'appelle. Plus tard, vous en saurez davantage. » La voix de M. Camberwell venait de retentir dans le corridor. William sortit, tout tremblant, et suivit son père jusqu'au parloir, où se trouvait son maître de violon, M. Gérard, jeune Français, jouissant de beaucoup de réputation à Londres. M. Camberwell l'avait mandé pour l'avertir de vouloir bien cesser les soins qu'il donnait à l'éducation musicale de son fils. M. Gérard, malgré ses regrets, avait cru ne devoir rien répliquer, et il allait se retirer lorsqu'il fut frappé de l'air triste de l'enfant. Il attira vers lui William, et tout en passant les doigts dans les boucles soyeuses des cheveux blonds de son élève, il dit à M. Camberwell « Voulez-vous me confier votre fils ? Ses dispositions sont si grandes qu'on ne saurait impunément enchaîner une telle vocation. » « Je lui ai trouvé un état honorable. Il est inutile de chercher à me faire changer des résolutions. Je dois respecter la volonté d'un père. Cependant, permettez-moi de vous dire que William aurait fait un excellent artiste et qu'il ne deviendra jamais un bon commis. Écoutez, si vous ne craignez pas de me laisser terminer son éducation musicale, je m'engage à le prendre chez moi et à le traiter avec plus de soin et d'affection que le plus riche de mes élèves. « Non, monsieur, » s'écria fièrement M. Camberwell, « je ne suis pas homme à accepter pour mon fils le pain d'un étranger. »« Que dites-vous ? William s'acquitterait plus tard. Songez à son bonheur, le vôtre y est attaché. » George, qui venait d'entrer, se mêla à la conversation en s'élevant avec amertume contre la proposition de M. Gérard. Celui-ci n'insista pas davantage et se retira, suivi du regard douloureux de William. 3 mois après, un enfant dont le visage portait les traces d'une longue maladie était étendu près d'une fenêtre sur un lit de repos. C'était William. Assis en face de lui, M. Camberwell pressait une des mains de son fils et interrogeait ses yeux et son front, comme pour s'assurer qu'il n'y restait pas de traces de souffrance. Helena, venue momentanément à Londres, paraissait partager la tendre sollicitude de M. Camberwell, tandis que George se promenait de long en large en donnant des signes de mauvaise humeur. « Pourquoi ne vois-je pas Marshall ?» murmura William. « Il va bientôt revenir, » répondit son père. « Je lui ai donné une commission qui vous concerne et dont le résultat vous sera sans doute très agréable. Préparez-vous donc à une surprise afin de n'être pas trop ému. Quelqu'un va venir et sa présence achèvera votre guérison. » William tressaillit, une vive rougeur colora son visage, tout à l'heure pâle et flétri. Un nom erra sur ses lèvres. Et au même instant, M. Gérard entra, suivi de Marshall. Oh, M. Camberwell avait dit vrai. La vue du maître de musique fut d'un effet puissant sur le jeune malade. William tendit les bras vers M. Gérard, tout en remerciant son père par un regard affectueux. « Vous aviez raison, monsieur, d'affirmer que la vocation de mon fils était bien décidée. Il n'a jamais rien voulu entendre aux toiles de Hollande, au coton de l'Inde, ni au drap d'Allemagne. Il lui faut la musique, et je dois céder à ses désirs. Mais par malheur, je ne suis plus riche. « Qu'importe !» s'écria M. Gérard. « Mes dispositions n'ont pas changé. Si vous voulez me confier William, je suis encore tout prêt à l'emmener. C'est une dette que je solderai plus tard. Oh, monsieur, votre fils ne vous en laissera pas le soin. » Il fallut à William peu de temps pour se rétablir. Le bonheur n'était-il pas à la moitié de la santé? Installé chez M. Gérard, il ne tarda pas à figurer au nombre de ses meilleurs élèves. Au bout de 18 mois, il avait acquis à force de persévérance le talent d'un maître. Rappelé sur le continent par des affaires pressantes, M. Gérard lui proposa de l'emmener pour le perfectionner et le mettre en relation avec les principaux artistes de France. William obtint de son père, plus facilement qu'il ne l'aurait cru, la permission de s'éloigner, car la préférence de M. Camberwell était toujours pour George, en dépit de ses fautes. L'enfant n'eut pas de peine à déterminer le bon Marshall à le suivre. « Ah ! Lui disait-il, le voici, ce moment que j'avais attendu avec tant d'impatience. Voici l'heureuse circonstance qui me permettra peut-être de rendre le bonheur à mon père. » Marshall avait quelques économies. Il s'empressa de les réunir, et tout fier de servir de gouverneur à son jeune maître, il prit avec lui M. Gérard la route de Douvres.